الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بهذا الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فقد أنعم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الإسلامي ثم أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذه السنة وهي من الإسلام وهي الوحي الثاني وإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن حبب إلينا الإيمان والعلم وأهله ومجالس الذكر. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a comblés de ses nombreux bienfaits. Et le plus grand bienfait n'est autre que ce bienfait-là que nous vivons au quotidien, le bienfait de l'islam. Tout comme Allah azza wa jal nous a comblés par le bienfait de la sunnah, de la tradition prophétique. Il nous a également comblés par l'amour de la science, du iman, des gens de science et ses assises de rappel et de science. Nous remercions donc Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Wal muslim yata'allamu awwalan, thumma ya'malu bi'ilmih, thumma yad'u ila hadha ad-din al-qawim, thumma yasbir ala al-adha التي قد تأتيه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Et le croyant a l'obligation d'apprendre la vérité en premier lieu. Deuxièmement, de mettre en pratique cette connaissance. Avec ces deux points-là, il parfait sa personne, se corrige, se réforme. Puis, ce bien, il le veut aussi pour les autres. Il propage le bien autour de lui, au sein de son foyer, au sein de ses proches, à l'extérieur, ses voisins et autres. Puis il patiente sur les nuisances qu'il pourrait rencontrer sur ce noble chemin, le fait de propager la vérité avec laquelle nous est venu l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et se trouve à ma droite un jeune homme qui est venu questionner sur l'islam et chercher certaines réponses et certaines informations. Il nous demande donc, il nous dit que ça fait un an, si mes souvenirs sont bons, c'est ça? Environ un an qu'il cherche cette vérité et qu'il questionne et s'instruit au sujet de l'islam. Et parmi ces questions, comment est-ce qu'on entre en islam? Comment est-ce qu'on entre en islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cela et il nous enseigne que c'est par le témoignage, l'attestation de foi qui consiste à dire Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah, ce qui signifie j'atteste, je reconnais, je prononce qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée excepté Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Donc Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration. Ceci car c'est notre créateur, c'est notre pourvoyeur, c'est notre maître absolu. Et il n'y a pas une chose qui avance ou recule, une chose qui change, sans que ce soit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui qui nous a comblés de ses bienfaits, celui qui nous a guidés au bien, qui nous a préservés du mal, qui nous soigne lorsque nous sommes malades, nous nourrit lorsque nous avons faim, qui nous a vêtis après avoir été nés, c'est celui qui nous a comblés de l'ensemble de ce que l'on connaît et ce qu'on ignore. C'est celui qui a la perfection absolue, la divinité unique, le Seigneur immense, qui n'est pas sujet à l'imperfection ni aux défauts. C'est donc le seul vers lequel nos cœurs se doivent de converger. Et le seul qui mérite l'adoration de la part de ses serviteurs. ذلكم الله ربكم voici Allah votre Seigneur. Et tous les prophètes et tous les messagers sont venus avec le même message en réalité. Et comme je te le disais, l'ensemble des prophètes et messagers, on croit en eux. Du premier messager envoyé aux gens de la terre, Nuh, Noé, au dernier prophète et messager, le dernier d'entre eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous avons également foi en la personne de Isa, Jésus, qui a même été cité dans le Coran plus de fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela montre la véracité de la transmission du message. Car si cela avait été son œuvre, une personne aurait été tentée de citer son nom plus de fois qu'un autre prophète. Et nous avons également foi en Moussa, Moïse alayhi salam, et ceux qui sont venus avant eux comme Ibrahim alayhi salam, ou bien Suleyman et d'autres. On ne fait aucune distinction entre eux. Ils sont venus avec la même voix. Cette voix, c'est la voix du monothéisme pur. C'est le fait de faire sortir les serviteurs de l'avilissement et de la soumission devant les créatures vers la soumission à une divinité unique, le Seigneur immense subhanahu. Ceci est l'islam. Se soumettre à une divinité unique, notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour donc entrer en islam, il faut prononcer l'attestation de foi que je vais te dicter. Donc tu vas répéter après moi. Ashhadu Allah ilaha illallah illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. On te félicite et on te souhaite la bienvenue dans ta mosquée et la nôtre, et on t'informe la bonne nouvelle, celle prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a plus de 1400 ans, que l'islam efface tout ce qui est passé avant. C'est-à-dire que la personne qui soumet son être à une divinité unique, Allah subhanahu wa ta'ala, se voit pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de ceux qui t'ont accompagné ici et qui ont été la cause de cela. Jazakumullahu khayran. Et moi, je n'ai fait que t'exposer l'islam, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a guidé et qui a décrété que tu allais être à ta place aujourd'hui. Falhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui par lequel les bonnes choses se concrétisent. Donc on te félicite, on te souhaite la bienvenue dans notre mosquée afin d'y adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Où est la personne qui t'accompagne? C'est un cadeau de la part de tes frères. Merci. Prends ton ami, comment est-ce que je t'appelle? Steve. Marhaban bik, bienvenue à toi. Prends ton ami et la bienvenue, je le ramène, inshallah, et il va apprendre. Barakallah feikoum. Il y a une personne qui a fait imprimer Al-Urjouza Al-Mi'iyya fi dhikri hali ashraf al-bariyya. Donc le poème que nous étudions. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها خيرا ويغفر لها ويصلح أحوالها وأن يرزقها خير الدنيا خير الدنيا والآخرة. كما أشكر جميع الحضور الذين تعاونوا معنا أكرمك الله عز وجل en faveur de ceux qui viennent, assistent et s'entraident avec nous. فَإِنَّا هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَهَذِهِ الدُّرُوسِ تُقَامُ بِتَعَاوِنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Car ces cours ont lieu et se déroulent en réalité, c'est l'œuvre d'un groupe de frères qui s'entraident et de gens qui aident. Naam, certaines mamans ou sœurs, jazakumullahu khayra. نرجو إلى درسنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ماذا تذكرنا في الجمعة الماضية qu'avons-nous vu la semaine passée نعم فزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة بسودة وقبلها عقد على عائشة رضي الله عنها. Nous avons donc vu la semaine passée que le prophète صلى الله عليه وسلم après le décès de خديجة a épousé سودة بنت زمعة رضي الله عنها. Et il a contracté le mariage avec Aïcha, radiallahu anha, qui était l'intermédiaire dans tout cela, et qui est-ce qui lui avait fait cette recommandation? Naam. Khawla bintuman. Khawla tu bintuman. بنت حكيم. Et c'est l'épouse de qui? هي زوجة من؟ ها؟ عثمان ابن من؟ Quand on cite quelqu'un, il faut toujours apprendre son nom et son, يعني son prénom et le prénom de son père. خاولة son nombreuse. صح. Et Othman, ils sont nombreux. Mad'oum. D'accord? Radiallahu anhum. Elle lui a enjoint le mariage et lui a recommandé, l'encourager dans cela. Après cela, qu'avons-nous cité? Un événement majeur, un des plus grands signes qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa darsul yawm. Al-Isra'u wal-Mi'raj. Al-Isra'u wal-Mi'raj. Ma ma'na al-Isra lughatan? Que signifie l'Isra dans la langue arabe? Lughatan. Al-Sayru min al-Layl. C'est le fait de voyager de nuit. C'est le fait de voyager de nuit. وَشَرَعًا مَا هُوَ الْإِسْرَى. Et dans la religion, que signifie Al-Isra concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Andaman. Le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de Jibril sur Al-Buraq de Mecca, le Masjid al-Haram, na'am, ila Bayt al-Maqdis. Ça c'est Al-Isra. نعم وما هو المعراج وما هو المعراج je vous ajoute une parole de Al-Hafidh ibn Hajar في الفتح concernant la définition de Al-Isra فهو سير جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس وكان قبل الهجرة بلا خلاف Al-Hafidh ibn Hajar رحمه الله تعالى نجي que Al-Isra, c'est le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nuit en compagnie de Jibril de la Mecque jusqu'à Baytul Maqdis, les Philistines. Et ceci a eu lieu avant le Hijra, sans aucune divergence entre les savants. Ma huwa al-mi'raj? Ma huwa al-mi'raj? Andaman. Comment tu t'appelles? Comment? Qasim. Tu assistes au cours du Coran, Qasim. Naam. Ma ma'na al-mi'raj? Que signifie le mi'raj? Le voyage nocturne, c'est l'Isra et le Mi'raj. Après l'Isra, il y a eu quoi? Tu sais pas? Andaman. Ma huwa al-Mi'raj? Non. طيب تكلم بالعربية أنت تتكلم بالعربية ولا تجيد الفرنسية هو السعود والعروج إلى السماوات العلى نعم المعراج سي لاسونسيون المعراج سي لاسونسيون من رياليتي لغة المعراج سي كوا عندما Quand nous étions en cours, nos enseignants citaient toujours l'oratel, ensuite shara'an. Fastafadna min hadha kathiran. On a beaucoup appris de cela dans les autres sciences par la suite, car ça enrichit ton vocabulaire dans la langue arabe et ensuite tu comprends mieux les textes religieux. Al-mi'raj, mifa'al, ismu'ala. Cette échelle-là dans la langue arabe, na'am, al-mi'raj, mifa'al, c'est le nom de l'outil. C'est le nom qui sert à faire telle chose. Le nom qu'on donne à tel outil qui sert à faire telle chose. Quel est le nom qu'on donne à l'outil qui sert à faire al-uruj? Hein? L'échelle, par exemple, al-sulam. Donc, al-mi'raj, en réalité, c'est l'outil qui sert à monter. Comme quoi? Comme al-sulam, comme l'échelle. Quant au comment de ce mi'raj, na'am, nous disons, comme nous disons dans les umur ghaibiyya, on y croit et on ne connaît pas le comment. On y croit et on ne connaît pas le comment. Ibn Abi al-Izz, rahimahullah ta'ala, qui est-il? Qui est Ibn Abi al-Izz? Hein? Yanis, c'est qui Ibn Abi al-Izz? On étudie quoi là? De qui est cette manzouma? Ali ibn Ali, Ibn Muhammad, Ibn Abi al-Izz. Donc c'est celui qui a écrit ce nom. D'accord? Un de ses écrits les plus connus, le Sharh de Tahawiyya, l'Aqidat al-Tahawiyya. D'accord? L'Aqidat al-Tahawiyya, c'est un livre de Aqida de l'imam al-Tahawi, n'est-ce pas? Le meilleur Sharh connu, c'est le Sharh d'Ibn Abi al-Izz. C'est le livre que tu étudies, un des derniers livres que tu étudies dans Ta'sil, dans l'Aqida. Quand tu as fini d'étudier pas mal de kutub, comme Al-Aqidat al-Wastiyya, Al-Ma'at al-Itiqad, par exemple, Al-Hamawiyya, Al-Tadmouriyya, autres, c'est dans le cursus, souvent ils mettent à la fin Al-Aqidat al-Tahawiyya. Avec le Sharh d'Ibn Abi al-Izz. Ibn Abi al-Izz, dans ce Sharh, nous dit, Mif'al min al-Uruj, ay al-alatu allati yu'raju fiha. Il nous dit Mif'al, yani de l'ascension, l'outil qui sert à monter. Wa huwa bi manzilati sullam. Il nous dit que c'est ce qui prend la place de l'échelle, par exemple. Lakin la na'lamu kayfahu. Mais on ne connaît pas son comment. On affirme cela, nous y croyons. Quant au comment et à certaines descriptions dont nous n'avons pas eu connaissance, on n'entre pas dans cela. On y croit et on n'entre pas dans cela. Ça, c'est une qaïda dans les choses de al-ghaibiyya, l'umur al-ghaibiyya, les choses que nous n'avons pas vues et dont nous n'avons pas eu la description. Na'am. Nu'minu bi wa la nashtaghilu bi kayfiyyati. Nous y croyons et nous n'accordons pas de temps dans le fait de chercher le comment. Na'am. Donc, al-Isra, c'est d'où à où? C'est de Mecca à Baytul Maqdis. Quant à Al-Mi'raj, c'est d'où à où? Al-Mi'raj. De Baytul Maqdis jusqu'aux cieux. Et des cieux jusqu'à Sidratul Muntaha. Ila haythu sha Allah Azza wa Jal. Donc, Al-Mi'raj, c'est de Baytul Maqdis ila As-Sama'i Sabi'a ila Sidratul Muntaha. Il a haïf ou sha'Allah. Al-Mi'raj. Et de Baytul Maqdis. Jusqu'au septième ciel. Du septième ciel jusqu'à Sidratul Muntaha. Comme on verra, c'est un, yani, shajaratun azima, jidd. C'est un arbre immense. Ses feuilles, comme c'est venu dans certaines versions, sont semblables aux oreilles de l'éléphant. Naam. Et c'est un arbre qui est magnifique et qui est immense. Naam. Et on verra comment expliquer cette appellation Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala. Jusqu'où Allah Azza wa Jal a voulu. Jusqu'où Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu. Quand est-ce qu'a eu lieu Al-Isra'u al-Mi'raj? Tout cela a eu dans la même nuit. Une partie de la nuit. Fi ay, yani fi, yani ba'd al-bi'tha, hasala al-Isra'u al-Mi'raj. Lakin mata? Wa qabla al-Hijra kadhalik qulna. On sait que c'est après le bi'tha et on sait que c'est avant al-Hijra. Mais en quelle année? في السنة العاشرة في السنة العاشرة ثلاث سنوات قبل الهجرة 3 ans avant الهجرة en l'an 10 en l'an 10 quelle date précisément dans quel mois ainsi de suite nous n'avons pas de preuves évidentes pour cela beaucoup disent que c'est la nuit du 27 du mois de Rajab. Et les ulama ont infirmé cela, ont rejeté cela, il n'y a pas de preuve. Non. Et un des avis qui revient le plus, qui semble être le plus lourd, est de dire que c'est fi Rabi' al-Awwal. Dans le mois de Rabi' al-Awwal. Wallahu a'lam. Et la sagesse de Al-Isra qabl al-Mi'raj. Quelle est la sagesse de Al-Isra qabl al-Mi'raj? Al-Allama Muhammad ibn Atiyah Muhammad Salim, Al-Allama Atiyah Muhammad Salim, rahimahullah ta'ala, nous dit: Raja'a min Ta'if bighayri ma kana yatawaqqa'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Ta'if sans les fruits escompés. Wa kana dukhuluhu Makkata bi suratin la nardaha li anfusina. Et lorsqu'il est entré à Mecca, il est entré d'une manière qu'on n'aurait pas agréé pour nous-mêmes. Walakin radiyallahu radiyaha sallallahu alayhi wa sallam li nafsi min ajli maslahati al-muslimin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a agréé pour sa propre personne, pour le bien des musulmans. Fa kana al-mawqifu mawqif shiddah وتضييق وإساءة فكان الإسراء والمعراج في عرضان. Donc c'était une situation très difficile et l'étau s'est resserré sur sa personne, mais il y a eu deux sagesses de الإسراء et du معراج. العرض الغرض الأول مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما ناله من أهل الطائف. Premièrement, consoler le prophète صلى الله عليه وسلم des nuisances qu'il a subies lorsqu'il s'est rendu à Taif. Et nous avions lu le hadith de Aïcha lorsqu'elle l'a questionné sur la chose la plus dure qu'il a subie. Pire encore que Uhud, le prophète صلى الله عليه وسلم a raconté lorsqu'il est parti à Taif. الغرض الثاني إطلاعه على الملأ الأعلى وعلى مستقبل الدعوة. La deuxième sagesse, c'est le fait de lui faire montrer, na'am, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt les cieux, na'am, et les habitants des cieux, na'am, les habitants des cieux et le futur de ce prêche. Et Ali dans le Mi'raj, il a vu al-Malaika, il a vu des anges, il a rencontré des prophètes. Naam, et on l'a informé de certaines choses. C'est comme si on lui avait dit, les gens de Taif t'ont fait du mal, et ils ont fait couler le sang sur tes pieds. Ne sois donc pas triste. Si les gens de Dunya t'ont rejeté, il y a certes des gens dans les cieux qui reconnaissent cette vérité, et qui sont meilleurs que les gens de Taif mille fois. Ils t'ont interdit l'entrée à Mecca, ils veulent te faire le mal et ne t'ont pas accordé un accueil convenable, ni t'ont accordé le jiwar. ne sois pas triste. Voici ce que nous t'avons fait rencontrer comme prophète et comme messager, et le futur de ton prêche sera très bon. Et les prophètes et les messagers sont ceux qui t'accueilleront. Et comme on va lire ici dans le hadith, à chaque fois qu'il arrivait, il lui disait « Marhaban bil akhi salih wa nabi salih » Que soit la bienvenue à fois notre frère pieux et notre prophète pieux. Donc, c'est pour apaiser et tranquilliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces grandes difficultés qu'il a vécues. On a même vu qu'un peu avant ça, il y a eu le décès de son oncle Abu Talib, il y a eu le décès de son épouse Khadija radiallahu anha. Quant à l'histoire de Al-Isra wal-Mi'raj, il y a plusieurs points à prendre en considération. Il y a des choses qui se sont passées avant, et nous avions également cité les preuves dans Suratu Al-Najm, dans Suratu Al-Isra et dans Suratu Al-Najm, n'est-ce pas? On avait déjà cité ça la semaine passée. Al-Adilla. On avait lu les preuves du Isra et que ça a eu lieu avec son corps et son âme la semaine passée. Na'am. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Na'am. Et ma'adha dans suratu al-Najm wa laqad ra'ahu min aya ma'adha avant cela. ماذا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى الله سبحانه وتعالى nous montre que le prophète صلى الله عليه وسلم ne s'est pas trompé dans ce qu'il a cité et qu'il ne s'est pas égaré et tout ce qu'il dit provient de la révélation jusqu'à ce qu'il nous décrive des choses que le prophète صلى الله عليه وسلم a vu dans sourate النجم jusqu'au verset 18 ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى نعم كما نرى il a également vu le paradis صلى الله عليه وسلم ما زار البصر وما طغى نعم on montre clairement que le prophète صلى الله عليه وسلم ne s'est nullement trompé, n'a pas ajouté, n'a pas diminué à ce qu'il a vu, et ça n'est que réalité. لقد رأى من آيات ربه الكبرى نعم. Et nous avons également cité que l'Isra a eu lieu une seule fois. Non. Ou bien on s'est arrêté là, on va reprendre ici avant de citer la Qissa et aller entièrement. Donc, Al-Isra ou Al-Mi'raj a eu lieu, Fissanat al-Ashira Qabla, Ba'd al-Bi'atha, en l'an 10 après qu'il fut prophète, devenu prophète et prophète, Na'am sallallahu alayhi wa sallam. Et l'Isra a eu lieu, Yaqavatan. Na'am. Al-Isra a eu lieu alors qu'il était réveillé. Ça n'était pas un rêve. Na'am, ça n'était pas un rêve. Et l'Isra a eu lieu, ou al-Mi'raj a eu lieu sur sa personne entièrement. Yani badanu wa ruhu, son corps et son âme, ma'an, ensemble. Et non pas que son âme ou qu'il était en train de dormir. Non. Sinon, Quraysh ne se serait pas comporté comme on va le voir. Il n'aurait pas tapé sur leur visage, sur leur tête, ils ne l'auraient pas démenti à un point tel que certains sont même sortis du din. C'est une fitna, c'est une épreuve. Naam. Et ma'adha dans Surat al-Isra, yani le passage où on nous cite, c'est que c'est une fitna. Dans l'Isra, si mes souvenirs sont bons. Taïb, ceux qui se souviennent me soufflent cela. Naam. Et Abu Jahl, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est passé près du prophète alayhi salatu wa sallam, lui a dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et il lui a raconté. Puis, au lieu de les démentir sur place, il ne lui a pas montré cela. Et il lui a demandé, si j'amène les autres, est-ce que tu répéteras cela ? Il lui a dit oui, car il voulait faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait la certitude qu'en racontant aux gens qu'il a fait ce voyage en une nuit, alors que eux, il leur fallait 2 mois environ pour faire cela, il avait la certitude que la plupart d'entre eux allaient le démentir. Ils connaissaient ce chemin-là et ils voyageaient vers Bayt al-Maqdis. Quant à Mala, نعم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Le verset 60. Et lorsque nous te disons que ton Seigneur cerne tous les gens, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran, c'est-à-dire Shajarat al-Zaqoum. Naam. Jazakallahu khayra. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit wahidatun fil yaqada bil jasad wal ruh ma'an wa huwa qawl al jumhur. Ibn Hajar nous dit que l'Isra al-Mi'raj a eu lieu une seule fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était réveillé. Ce n'était donc pas un rêve. Et corps et âme. Et c'est la parole et c'est l'avis de la plupart, de la grande majorité des savants. Naam. Parmi les preuves, le fait qu'Allah azza wa jal dise dans le Coran, Subhanalladhi asra bi'abdihi. Naam. Exempté sur de tout défaut, celui qui a fait voyager de nuit son serviteur. Et on ne dit pas serviteur si ce n'est pour le corps et l'âme ensemble. Deuxièmement, Kuffar Quraysh ont rejeté cette information. Si ça avait été un rêve, ils auraient pu y croire. Mais ils l'ont rejeté à ce point car ils ont su que c'était Al-Jasad Warruh. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a une parole concernant Al-Sufi Yad-Dullal qui ont, pour certains d'entre eux, ont dit que ça s'est passé une 30aine de fois. Subhanallah. Également, on n'a pas de limite chez eux. Certains ont dit 30 fois, certains ont dit 40, certains ont dit plus, certains ont dit moins. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit Ya ajaban li ha'ula alladhina za'amu annahu kana mira. Comme est étonnante l'affaire de ces gens-là, ceux qui ont prétendu que l'Isra al-Mi'raj s'est reproduit plusieurs fois. كَيْفَ سَارَ لَهُمْ أَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ تُفْرَدُ لَهُ الصَّلَوَاتِ خَمْسِينَ ثُمَّ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ رَبِّهِ وَبَيْنَ مُوسَى. Il dit, comme est étonnante l'affaire de ces gens. Comment est-ce qu'ils ont pu penser qu'à chaque fois, ils faisaient l'aller-retour entre Allah Azza wa Jalla et Moussa et qu'on lui ordonnait 50 prières. Et ensuite, ils revenaient à Moussa, que Moussa alayhi salam lui disait remonte et demande à ton Seigneur qu'il t'allège, et ainsi de suite. Et à la fin, comme c'est dans le hadith, أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي. Naam, j'ai rendu obligatoire cette adoration et j'ai allégé mes serviteurs. Et comment est-ce que ça a pu se répéter 30 fois? On lui ordonne 50 et ensuite on descend à 5 et il repart. Ensuite on lui ordonne 50 et ça descend à 5. Non, mais cela s'est passé qu'une seule fois. Et une des causes de la divergence entre les Huffaz, entre ceux qui ont rapporté le hadith, c'est que la riwaya d'un des muhaddithoun qui s'appelle Shariq, Naam, lui il s'est trompé lorsqu'il a rapporté le hadith, rahimahullahu ta'ala. Et il a dit, thumma staiqadha. À la fin du hadith, il a dit, ensuite il s'est réveillé. Le fait qu'il ait cité cela, Naam, certains savants ont essayé d'unir entre les différentes versions. Naam. Il y en a plusieurs qui sont dans le Bukhari, plusieurs qui sont dans le Sahih Muslim. Quant à l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il a rejeté le hadith totalement, il n'a pas cité dans son livre. Quant à l'imam Bukhari, il a cité toutes les autres versions, mais aussi la version de Shariq, rahimahullah ta'ala. Et les savants ont dit qu'il s'est trompé lorsqu'il a apporté cela, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, inna Shariqan, Ibn Abdillah, ittaraba wa sahibduh. Ibn Kathir nous dit que Shariq, rahimahullah ta'ala, s'est trompé et n'a pas mémorisé comme il fallait le hadith. Na'am, et ça, c'est la cause de la divergence entre les savants. Et de là, tu comprends que le dîn est la première chose à préserver. Là, on passe sur un grand savant. On dit, il s'est trompé. Et on dit, il a mal mémorisé. Est-ce que cela entre dans la médisance? Là, dans 6 cas, la médisance est permise. Na'am, dans 6 cas, la médisance est permise. Na'am, et parmi ces cas-là, le bayan. Na'am, le fait d'exposer la vérité, de préserver dîn. Na'am, comme jarh al-ruwah, comme le fait de critiquer les rapporteurs. Tu dis, lui, il a une bonne mémorisation. Lui, madha, c'est un fasir. Lui, buvait de l'alcool. Lui, c'est un menteur. Lui, il est véridique. Lui, il est wahakada. Ou comme le fait de dire, un tel, c'est un mubtadi'. Na'am, un tel, c'est un ikhwani. Wadah. Un tel, c'est un tabliri. Hakada. Tu cites l'innovation de la personne pour avertir les gens de son mal. Tu dis, un tel c'est un khariji, un tel il est avec Daesh, et un tel kada, et un tel kada. Tu cites les bid'ah, et tu cites l'égarement des gens de la droiture et des justes milieux de Ahl Sunnah. Pourquoi? Pour préserver les gens de son mal. Pour préserver les gens de son égarement. Et pour pas qu'ils tentent les musulmans et qu'ils égarent les musulmans. Na'am, de ce quoi qu'ils salissent l'image de l'islam dans le regard des non-musulmans. Fahada din. Hada din, ça c'est une religion. Na'am. Et ça peut être dans certains cas une obligation. Si tu as connaissance que un tel c'est un khariju, c'est un muqtadir, et tu vois un tel venir prendre de lui le conseil ou assister à ses cours et tu te tais, t'es dans le haram. La yajuz laka antaskut. Antaskut. Antaskut. Na'am. Tu n'as pas le droit de te taire sur ce mal. Et on ne dira pas c'est de la médisance. Celui qui dit que c'est de la médisance, c'est de la personne qui n'a pas étudié. Mais à ton tour, tu lui exposeras les preuves. Et si tu n'as pas ce savoir-là, tu questionnes une personne, na'am, qui sait. Et de nombreux ahadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne, il a dit, je pense que cette personne ne connaît rien de notre religion. Et une personne a demandé la permission d'entrer chez lui, il a dit, donnez-lui la permission d'entrer, quelle mauvaise personne. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu visiter un sahabi et que les gens sont venus pour prier avec lui et qu'il manquait une personne qui s'appelle Malik ibn Durshul, na'am, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les gens disent, où est-il? Un homme a dit, dhaka munafiq, il fréquente les hypocrites. Il fréquente les hypocrites. Alors ils ont pensé du mal de lui, ils ont parlé sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait une tazkiya. Et lui, c'était cette tazkiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce soupçon a été justifié parce qu'il fréquentait des gens qui n'étaient pas bons. Na'am, fahada din wa nahjun salim. Donc ça c'est une religion et c'est un manhaj salim. Na'am, mais les gens équivoquent, des ambiguïtés, les gens de l'innovation n'aiment pas qu'on expose et qu'on enseigne cela. Pourquoi? Parce que lorsque tu étudies ça, tu distingues entre les gens du haqq et du batil. Et si tu distingues entre les gens du haqq et du batil, tu vas les délaisser. Amma sahib sunnah, il dit la vérité même si ça lui porte préjudice, même si c'est contre lui, même s'il dit cette vérité, on dit alors toi t'as une faute dans telle situation. Il réfléchit, il dit oui j'ai une faute dans telle situation. Amma sahib al-bid'a wal hawa, non, il veut que tu caches. Il veut que tu caches le haqq pour qu'il ne soit pas dévoilé. Celui qui est sincère, il veut que tu exposes la vérité, même si ça amène à démontrer de ses propres fautes à lui-même. Na'am, et s'il est véridique et qu'Allah lui accorde la guider, il se corrigera par la suite. Na'am. Et ces points-là, Inch'Allah ta'ala, on les détaillera dans une conférence, Inch'Allah ta'ala, mustaqilla li hajatil nas. Na'am, de par le grand besoin qu'il y a dans ce sujet et la multitude des gens de l'égarement. Na'am. L'un d'entre eux assiste à un cours de quelqu'un qui est munharif. Tu lui dis, un tel est munharif, il a telle erreur et telle erreur et telle erreur. Il te dit oui, mais un tel a dit du bien de lui. Un tel a jugé de ce qu'il connaissait de lui. Et lui a un ajout de science, il connaît mieux. Alors il te dit oui, un tel a jugé selon ce qu'il connaissait. Mais sache qu'il a telle chose et telle chose et telle chose et telle chose. Na'am. Et celui qui a plus de connaissances, son avis prévaut sur celui qui a dit du bien de lui. C'est pour cela que les savants du Mustalah, Al-Hadith, disent que Al-Jarh, Al-Mufassal, que la critique détaillée, ce qui repose sur une science, muqaddam ala ta'dil al-mujmal, prévaut sur l'éloge général. Toi, tu connais un bien de manière générale sur un tel, mais lui, il vient et il dit non. Un tel, il a tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Donc on fait devancer sa parole. Ce qui compte, c'est l'ajout de science. Naam, c'est pas une règle absolue. Car si celui qui a donné l'éloge connaît aussi ce qu'a dit comme, ce qui a été dit aussi comme critique, et il continue à faire ses éloges, à ce moment-là, c'est les preuves de l'un et de l'autre qui vont trancher. Non pas que c'est un tel qui a parlé, et non pas qu'on parle sur un tel. Fiddin, personne n'est infaillible après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dalil qui compte. C'est la preuve qui compte. Et ça, c'est muhim jiddan, de délier les cœurs du fanatisme. Naam, un tel avec shir un tel, un tel avec shir un tel avec le prêcheur un tel, un tel avec le prêcheur un tel. Le prêcheur un tel part sur tel autre prêcheur, ils sont tous min ahl sunna. Alors les suiveurs du prêcheur un tel, ils se mettent à parler sur le prêcheur un tel. Hada, ça c'est pas du din. Naam, celui qui parle, il parle avec science. Il est habilité à le faire, il parle avec science, pas avec passion. Naam, et même si toi tu assistes au cours de telle personne parmi deux actes, et qu'on expose qu'il a une faute dans telle chose, tu dis c'est une faute et tu vas le voir et tu lui exposes la faute. Et si tu n'as pas la capacité, tu reviens à Chir, et Chir lui expose sa faute. Et personne n'est au-dessus d'être dalil. Ni dans cette mosquée, ni ailleurs. Personne n'est au-dessus d'être dalil. Naam. Et sinon on t'expose les fautes de telle personne, mais l'Ahl Sunna ou pas, en dehors de l'Ahl Sunna, avec Al-Barahim, tu as l'obligation de prendre. Tu as l'obligation de prendre et tu n'as pas le droit de dire « moi je n'ai pas vu ». Moi je n'ai pas vu. Si c'est personne de confiance qui te rapporte cela, bil barahim, et qu'il connaît asbabul jarh, tu as l'obligation de prendre. Ces qawa'id du din, c'est très important de les connaître. Pourquoi? Parce que beaucoup se font tromper par ignorance. Et ils se font duper par quoi? Par les sentiments. Par les sentiments. Lui dit oui mais un tel a fait ça, oui mais un tel il est gentil, oui mais un tel il est... Subhanallah. Jannah wa nar. Et ton excuse c'est il est gentil. Ibn Lul'an aussi était gentil, le prophète sallam. Aïcha lui a dit, un tel dans la jahiliya, il nourrissait les pauvres, il était bienfaisant envers les orphelins, il faisait. Est-ce que celui-ci lui est profitable? Le prophète sallam a dit non, il n'a jamais dit Rabbi Firli Yom Addin. C'est pas sur les sentiments que on base tout cela. Naam, c'est sur Ad-Dalil. Naam, c'est sur Ad-Dalil. Comme Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah Ta'ala dit dans le premier audio de Kashf al-Shubuhat, et il dit que parmi les shubuhat, le fait que le khatib vienne et il fasse une khutbah, une belle exhortation, il est très fort dans le wa'ad. Mais c'est rempli de fautes. Pourtant les gens vont être touchés, vont dire c'était magnifique. Alors qu'il y a plein de fautes. Et celui qui va parler bid dalil, peut-être les gens ne vont pas être touchés autant alors que lui il a parlé en conformité avec les textes. Et lorsque tu vas réfuter cela, ils vont dire oui mais ça m'a touché, wakada wakada. Non, faut prendre avec et dalil. Faut prendre avec les textes, qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. Naam, c'est cela qui prévaut. Tu trouves l'un d'entre eux, il marche avec Ahlul Bid'ah. Il fréquente Ahlul Bid'ah. Il défend Ahlul Bid'ah. Et ensuite, on nous dit, pourquoi est-ce que vous ne conseillez pas d'assister à ces cours? La moitié de cela suffirait. Mais les gens suivent leur passion, les sentiments. Non. Les Sahaba avaient dans leur propre famille des gens de qui ils se sont désavoués. Naam, des gens de qui ils se sont désavoués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le haqq. Parce qu'ils n'ont pas suivi le haqq. Et ils ont défendu des gens qui ne faisaient pas partie de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le haqq. Naam, c'est ainsi que sahib sunna doit être. Il doit prendre bid dalil, il ne doit pas suivre ses passions. Et il doit demander à Allah Azza wa Jalla l'affermissement sur le haqq. Wallahu al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a cité 20 versions de ce hadith. De Al-Isra, 20 riwayah. Naam. De Sahaba. Et l'imam muslim, 18. Et l'imam muslim, 18. De 7 compagnons. De 7 compagnons. Et l'imam Bukhari, 20 de 6 compagnons. De 6 compagnons. Donc c'est un hadith sur lequel il n'y a aucun doute. Al-Isra wal-Mi'raj. Naam, c'est une chose affirmée qu'on doit croire sans aucun doute. Qabla al-Isra, il y a eu un point. Pendant l'Isra, il y a eu des choses. Et après l'Isra, il y a eu des choses. Qabla al-Isra, il y a eu shaqq al-sadr. Vous notez cela. Avant l'Isra, il y a eu shaqq al-sadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une deuxième fois, s'est fait ouvrir la poitrine. S'est fait ouvrir la poitrine. Nazala Jibril alayhi salam. فرج عن سقف بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أم أمهاني. Donc Jibril عليه السلام est venu avec des anges et il a fendu le toit, n'a ouvert le toit d'où était le prophète صلى الله عليه وسلم, chez lui ou bien chez أمهاني, comme c'est venu dans une version. Et il a pris le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc dans, on a une version qui nous dit chez أمهاني. On a une version qui nous dit son toit. Nous avons une version qui nous dit fil masjid al haram. Et on a une version qui nous dit fil hijr. Ma faute. Certains savants ont dit, il n'y a pas de contradiction entre tout cela, mais ce sont des étapes. En premier lieu, il dormait chez Umuhani. Ba'd al-Isha. Jibril est venu, il l'a pris, il s'est réveillé. Et il est parti fil masjid al-haram. Arrivé au hijr, on lui a ouvert la poitrine. Certains ont uni comme ça. On lui a ouvert la poitrine. Naam. On a lavé son cœur avec ma'u zamzam. On l'a rempli de iman et de hikmah, de foi et de sagesse, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la deuxième fois. La première fois c'était quand? Naam. Fi Bani Sa'd, lorsqu'il avait 4 ans. Lorsqu'il avait 4 ans. Ceci est la deuxième fois. Alors qu'il avait quel âge? Il a reçu la révélation à 40 ans. 10 ans après, Khamsina Sa'd. Il avait 50 ans. Fi Sahihayn an Anas, radiallahu anhu, qala, kana Abu Dhar yatahaddath anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, furija saqfu bayti wa ana بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب امتلئ بحكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. Donc Anas ibn Malik nous raconte cet événement que leur a raconté Abu Dharr رضي الله عنهم. Une des sagesses de cela, les savants ont dit, كي يتحمل الرحلة والآيات العجيبة التي سيراها. La sagesse de cela, certains savants ont dit, c'était pour supporter, pour le préparer, le prédisposer à ce grand voyage qu'il allait subir et aux signes manifestes d'Allah Azza wa Jal qu'il allait voir et desquels il allait devoir témoigner. C'est une préparation. Dans certaines versions, وَهُوَ نَائِم, alors qu'il dormait. Naam. Nous avons dit que c'était Yaqavatan, il était réveillé lors de l'Isra. Comment expliquer que dans certaines versions on trouve Wahwa Na'im? Indak Othman, Kayf al-Jam, Salim, Muhammad, Abdullah, ou Abdallah. Je n'ai pas demandé à Yanis quand même. Professeur de Coran, élève de Coran, du'at al-Tawhid, Suleyman. Comment? La question est que dans certaines versions de l'histoire, on cite Wahwa Na'im, alors qu'il dormait. Et nous avons bien compris qu'il était éveillé durant l'Isra et al-Mi'raj. Donc comment unir entre tout cela? نعم عندما أتى كان نائما أما في أثناء الإسراء والمعراج كان مستيقظا جزاك الله خيرا. Donc notre frère a sauvé cette affaire en unit en disant qu'il dormait au moment où Jibril lui est venu avant l'Isra, car il y a eu des choses avant l'Isra. Il est parti au Masjid al-Haram et on lui a ouvert la poitrine. Quant au moment du Isra et du Mi'raj, il était bel et bien éveillé. Réveillé, sallallahu alayhi wa sallam. À quel moment après l'Isha? Il est revenu à quel moment? Qabla al-Subh. Qabla al-Subh. Sur quoi était-il lors du Isra et al-Mi'raj? Sur quoi était-il lors de l'Isra et al-Mi'raj? على ماذا كان الإسراء والمعراج؟ من يجيب ولا يخطئ؟ Qui est-ce qui répond sans se tromper à cette question? فهو سؤال كبير. C'est une grande question. من يجيب ولا يخطئ؟ Il était sur Al-Buraq. Ceci est ta réponse? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Même toi, tu es d'accord? Aslahakallah. Othman. Kana ala al-Buraq fil Isra. Amma al-Mi'raj lam ya'ti بأنه كان على البراء خلافا لما يتوهم كثير من الناس كما قال ابن القيم أو ابن كثير رحمهم الله الإسراء était sur البراق نعم فهو فوق الحمار دون البغل الإسراء pour الإسراء le prophète صلى الله عليه وسلم était accompagné de Jibril et il était sur une monture qu'on nomme البراق نعم qui plus grand que l'âme, inférieur au barl. Naam. Quant au mi'raj, on nous cite ce qu'on appelle en arabe, ou dans le nahou, mabni ala malam yusamma fa'il. Ils disent al-majhoul. Naam. C'est-à-dire qu'on nous cite, comment dire, yani, on nous dit, urijabi, on nous cite cela sans nous citer ce sur quoi il était. Mafhoum? Donc pour le mi'raj, comme ont dit certains savants, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'était pas sur le buraq. Le buraq c'était pour l'Isra. Non pour el mi'raj. Pour el mi'raj ça veut dire alatou, al-su'ud déjà. Naam, une chose qui aurait la portée de l'échelle dans nos termes. Naam, fallahu a'lam. Mais on ne nous a pas cité Al-Buraq. Donc dans le hadith d'Anas, Ataytu Bil-Buraq. Naam, c'est une dabba abyad. C'était un animal blanc, fauq al-himar, de taille au-dessus de l'âme, d'un al-barl. Et d'une vitesse impressionnante. Le Prophète sallam nous dit Yada'u hafirahu inda muntaha tarafi. Yani chaque bond dans ce seyr, et yani lorsque tu regardes, tu vois l'horizon, ben chaque bond, si je peux traduire ainsi, ben l'amener à la fin. Est-ce que je me suis fait comprendre? Yani chaque pas ou bond, d'accord, le faisait atteindre la finalité de sa vision. Chaque bond. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Les savants ont dit, c'est-à-dire qu'il avançait à une vitesse inimaginable. Il avançait à une vitesse inimaginable. Où s'est arrêté Al-Isra? On nous cite dans le hadith Hatta ata Bayt al-Maqdis. Jusqu'à atteindre Bayt al-Maqdis. Ça, c'est notre science qu'on tire de cela. C'est que Al-Isra s'arrête à Bayt al-Maqdis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu monter sur Al-Buraq, Al-Buraq a bougé, il était dur d'accès, difficile d'accès. Alors, Mahna Jibril alayhi salam a dit Uskuni, fa wallahi marakibaki, ou marakibaka afdal, ou bien abdun akram, ala Allah min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ô toi Al-Buraq, tranquillise-toi. Par Allah, il n'y a pas un serviteur d'Allah plus noble que Muhammad qui est monté sur toi. Naam. Fi riwaya, dans une autre version, on nous cite d'autres choses. Donc là, on a cité, avant l'Isra, Shaqqu al-Sadr. Ensuite, Al-Isra, sur Al-Buraq. Ensuite, il arrive à Bayt al-Maqdis. Quatrième point, laqiya ba'd al-anbiya. Vous notez qu'il a rencontré certains prophètes. Dans d'autres textes, on nous dit salla bil anbiya. Directement, il a prié et présidé la prière imaman devant les prophètes. Il nous dit taqaytu bi Ibrahim. J'ai rencontré Ibrahim. وأشبه الناس به صاحبكم. Il nous dit j'ai rencontré Ibrahim. Naam, il dit j'ai rencontré tel prophète, il priait, tel prophète, il priait, tel prophète, il priait. Et il nous dit j'ai rencontré Ibrahim, et celui qui lui ressemblait le plus, c'est votre homme. C'est-à-dire lui-même. Le prophète sallallahu alayhi ressemblait beaucoup à Ibrahim alayhi salam. Et il nous dit taqaytu bi Moussa. Il nous dit j'ai rencontré Moussa alayhi salam. Et puis il a cité qu'il ressemblait à tel compagnon. Puis il nous dit j'ai rencontré Isa. Et celui qui lui ressemblait le plus, c'était Urwa ibn Mas'ud. Naam. Donc, subhanallah, certains parmi les sahaba ressemblaient beaucoup à certains prophètes comme Isa et comme Moussa alayhi salam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec les prophètes. Qui était l'imam? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous montre que c'est le meilleur de la création. C'est le meilleur des prophètes. C'est le meilleur des messagers. Donc on doit remercier Allah Azza wa Jal. Pourquoi? لأن الله كرمنا بأن جعل سيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal t'a joint à la communauté du meilleur prophète, du meilleur des messagers. L'imam, au sens propre, au sens figuré, des prophètes et des gens de manière générale. Après cela, sallama ala Malik. Naam, men Malik. Malik le salua ou bien il salua Malik alayhi salam. Ou bien sallama alayhi Malik. C'est Malik qui l'a salué. Qui est Malik? Abdurrahman. L'ange de l'enfer, le gardien de l'enfer. Jazakallahu khairan, a'adhan Allah wa iyyakum minan nar. Après cela, on arrive au cinquième point, au sixième point. Lequel? El-Mi'raj. L'ascension. Urija. Il nous dit Urija bihi as-sama. On m'a élevé. Yani dans les cieux. On m'a élevé dans les cieux. Wa fi kulli sama yastaftihu al-baba Jibril. Arrivé à chaque ciel, ou chaque cieux, comment est-ce qu'on dit? À chaque cieux, Jibril alayhi salam demandait la permission. Subhanallah. Même dans les cieux, il y a le nidam, il y a de l'ordre, dans le din, il y a de l'ordre dans tout. Naam, Jibril alayhi salam, le meilleur des anges, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des messagers, et on demande la permission d'entrer. Naam. Ensuite, l'ange, il y a un gardien à chaque cieux, dit, man, qui est-ce? Et là, on va voir c'est quoi Adam al-Istihlal. Il dit Jibril. Hein? On ne dit pas moi, comme nous. Moi. Toi qui? Hein? Al-Adab, tu frappes. On te dit qui est-ce? Tu dis ton prénom. Naam. Puis si on te permet d'entrer, tu entres. Sinon, tu rebrousses chemin. Et ensuite, on lui dit Man ma'ak. Est-ce que tu es accompagné de quelqu'un? Qui est avec toi? Il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hal du'iya. Est-ce qu'il a été invité? Est-ce qu'il a été demandé? Naam, on lui dit oui, alors on lui dit marhaban, bienvenue à toi. Et il entre au premier, il traverse le premier ciel. Et à chaque cieux, il rencontre un ou des prophètes. À chaque cieux, il rencontre un ou des prophètes. Fi sama'i dunya ra'a Adama, Aba al-Anbiya. Au premier ciel, il a rencontré Adam, alayhi salam, le père des prophètes et le père plutôt, je voulais dire, de l'humanité. Naam, c'est le père des prophètes, mais ce que je voulais dire, c'est le père de l'humanité. Celui qu'on surnomme le deuxième père de l'humanité, c'est qui? Noah. C'est une question piège, mais vous n'êtes pas tombé dans cela. Noah, alayhi salam. Et qui est-ce qu'on surnomme Abu al-Anbiya? Naam. Ibrahim, alayhi salam. Thumma, fi as-sama'i thaniya, au deuxième ciel, la même chose. C'est-à-dire que Jibril demande la permission. On lui dit, qui est-ce? Jibril, est-ce que tu accompagnes quelqu'un? Oui, qui? Mohammed. Est-ce qu'il a été invité? Naam, yurahabbi. Fa yurahabbi. Naam, on lui souhaite la bienvenue. Fi sama al-thaniya, man laqiya, il a rencontré qui? Au deuxième ciel. Et Isa, alayhi salam. Est-ce que vous êtes d'accord? Au deuxième ciel, il a rencontré Isa alayhi salam. Est-ce que vous êtes d'accord? Hakada? Naam. Jazakallahu khayran. Donc est-ce que le frère s'est trompé? Non. Donc deux personnes peuvent dire une même réponse, différente, mais on ne dit pas quand elle s'est trompée. Mais on dit, il a dit ce qu'il a su. Sahalala. On dit, il a dit ce qu'il a su, mais lui, il a une science en plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend sa science. Voilà. On prend sa science. C'est un ajout d'une personne de confiance. Sur une personne de confiance, on accepte le hadith. Ça, c'est une qaïda dans le mustalah aussi. Donc, il a vu Isa alayhi salam et Yahya. Et ce sont deux cousins maternels. Ce sont des cousins maternels. Wadah, ibn Khala. Ibn Khala. Ce sont des cousins maternels. Dans une autre version du hadith, Allahu alam, on nous cite même un autre prophète, mais comme je ne l'ai pas vu, je ne le citerai pas. Ensuite, au troisième ciel, s'est passé la même chose, et il a rencontré un autre prophète. Lequel? C'est plus difficile. Non. Ma'indi hada l'ilm. Je n'ai pas cette connaissance. Non. Yusuf, alayhi salam. Fi samai thalitha laqiya Yusuf, alayhi salam. Chaque prophète qu'il rencontrait, j'ai oublié, lui disait, donc Adam. Adam lui a dit, marhaban, bilibni salih wa nabi salih. Que soit la bienvenue, mon noble fils, pieux et prophète. Quant à Isa et Yahya, ils lui ont dit, marhaban bil ah, salih wa nabi salih. Ensuite, arrivé au troisième ciel, il a rencontré Yusuf, qui lui a dit, marhaban bil ah. As-salih wa nabi as-salih. Ensuite, Fisama al-Rabi'a, au quatrième ciel, il a rencontré Idris. Naam, il a rencontré Idris alayhi salam, qui lui a dit Marhaban bil-akh as-salih wa al-nabi as-salih. Fil-khamisa, il a rencontré qui? Au cinquième ciel. في السماء الخامسة من لقي certains frères dit Moussa, vous êtes d'accord? Hein? Abdullah, t'es d'accord ou pas? T'as pas l'air très sûr de toi. Haroun, jazakallahu khayran. في السماء الخامسة لقي هارون عليه السلام. Il lui a dit la même chose. في السماء السادسة. Fisama Issadisa. Il a rencontré qui au sixième ciel? C'est là. Endak. C'était pas mon type aujourd'hui, c'est là. Je t'ai pas entendu. Ma endak a jawab. Laqad ahsana man intaha ila ma samia. Naam. Moussa alayhi salam. Fayaris lahu ziyadatu ilm alayk. Tayyib. Est-ce qu'on rejette la parole de Yanis parce qu'il est plus petit que nous? Ou bien on l'accepte parce qu'elle est en conformité avec les textes? On l'accepte parce qu'elle est en conformité avec les textes. Naam. Donc, au sixième ciel, il a rencontré Moussa alayhi salam. Qui lui a dit marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Si ce n'est que là, il y a eu un événement. Une chose qui s'est produite. C'est que لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dépassé Moussa, Moussa s'est mis à pleurer. Subhanallah. أتدرون لماذا? Savez-vous pourquoi? قيل له ما يبكيك. Il lui fut dit, pourquoi est-ce que tu pleures? قال أبكي لأن غلاما أرسل من بعدي. Car un jeune homme a été envoyé après moi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Wa lahu atba'un akthar minni. Na'am. Wa yadkhuluna al-jannata akthar minni. Ya'ni min ummati. Parce que il a dit, je pleure, car un jeune homme a été envoyé après moi, et il a plus de suiveurs que moi. Et un nombre plus conséquent de sa communauté entrera au paradis. Il y a plus de gens dans sa communauté qui entreront au paradis que ma propre communauté. Naam. Et vous avez pour la plupart étudié Kitab al-Tawhid. N'am, parce que parmi la da'wa de Ahl al-Sunnah et wal-Jama'ah, c'est qu'ils enseignent aux gens Haqqullah al-Abid. N'am, ils ne cessent de faire cela. Et le meilleur livre qui a été enseigné en cela n'est autre que Kitab al-Tawhid, par le Coran et le Karim. Et dans le chapitre, Man haqqaqa al-Tawhid dakhala al-Jannata bighayri hisabin wala 'adab. Il y a le célèbre hadith des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment, n'est-ce pas? Lorsque on a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam une grande communauté, il a pensé que c'était laquelle? Là. Il a pensé que c'était la sienne. On lui a dit là, hadi ummatuman, c'est la communauté de qui? De Moussa. C'est une preuve de quoi? Que la communauté de Moussa est une des plus grandes communautés. Et qu'il a beaucoup de suiveurs, beaucoup de gens qui l'ont suivi dans son dîme. Mais on lui dit, voilà qu'il est onzo. Mais on lui dit, regarde, il y a une autre communauté, a'azam akbar, plus grande. Hadi ummatuk. Voici ta communauté. Wa ma'am sab'una alfan, yadkhuluna jannata bighayri hisab. Et avec eux, il y aura 70 000 personnes qui entreront au paradis sans châtiment. Na'am, ou sans jugement. Ou sans jugement. Donc, ce sont les deux grandes communautés. Mais la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est plus conséquente et plus conséquente, plus grande. Une faïda. Sachez que le hadith que je viens de vous citer, certains savants disent que ça s'est passé fil mi'raj. Le hadith de 70 000 personnes qui entreront au paradis. Une faïda, certains savants disent que ce hadith là, il a eu lieu devant, cette histoire là, elle a eu lieu dans le mi'raj. Naam, et d'autres savants ont dit non. Naam, d'autres savants ont dit non. C'est une faïda. Donc, ensuite, on arrive au Sama al-Sabi'a. Et à ce niveau-là, il a rencontré qui? Ibrahim. Donc, le meilleur des prophètes et le meilleur des messagers après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est Ibrahim. Jazallahu khayran al-walid. Ala tasmiyati iyai. J'invoque Allah Azza en faveur de mon père pour son bon choix. Naam. Aujourd'hui, j'ai été questionné sur l'appellation de son enfant par Malaïka. Quelqu'un va avoir un enfant, il demande est-ce que je peux l'appeler Malaïka. Et je lui ai dit avec tous les prénoms qu'il y a. Naam, avec tous les prénoms qu'il y a, pourquoi aller aussi loin que cela? Naam, ton enfant te remerciera. Tu lui donnes un meilleur prénom, tu lui donnes le nom des prophètes, le nom des personnes vertueuses, tu donnes à ta fille le nom des épouses du prophète sallam, des sahabiyat et ainsi de suite. Naam. Pas un nom, yani, qui n'a pas peut-être de sens ou d'histoire. Tu donnes le nom d'une personne, yani, de qui il sera fier de porter par la suite. Naam. Et si ça n'est pas le cas, ça ne diminuera rien de son rang. D'accord? Même s'il a un prénom étranger, même s'il a, ça change rien. Mais ça, c'est un bien. Là où Afa, ça a un effet positif sur la personne. Naam. Il a rencontré Ibrahim, wa kana yusnidu dhahrahu ila bayt al-ma'mur. Il a rencontré Ibrahim, et on cite une particularité. C'est qu'il était appuyé avec son dos sur bayt al-ma'mur. C'est quoi la maison peuplée? Al-bayt al-ma'mur. Celui-ci nous est cité dans le Coran. Dans quelle sourate? Voici deux questions. Dans quelle sourate? Sourate al-Tur. Ah, sainte. Et c'est quoi le Bayt al-Ma'mour? C'est une Mecca au 7e ciel. Mecca au 7e ciel. Ça se discute. Imam al-Bukhari, rahmallahu ta'ala, quand il voulait réfuter quelque chose avec douceur sans être trop sévère, il disait Fi Nazar. Ça se discute. Au lieu de dire c'est faux directement. Non. Moi je ne suis pas l'imam al-Bukhari et. Il n'y a pas de problème. Non. C'est là où les anges, ils prient. Il y a un problème de syntaxe dans ta phrase de français, Yannis. On n'est pas là où les anges, ils prient. Là où les anges prient. Naam, c'est un frère qui m'a corrigé cette faute que je fais souvent, je t'en fais part. C'est une demeure dans laquelle entre chaque jour 70 000 parmi les anges, ils y adorent Allah Azza wa Jal et ne reviennent jamais. De cela, on tire une faïda. Sais-tu laquelle? Qu'il y a beaucoup d'anges, que le nombre d'anges, et ne le connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui pourrait calculer 70 000 fois combien Allah a. Tous les jours, 70 000 parmi les anges, yokr, et adore Allah Azza wa Jal, et ne reviennent jamais. Ils ne reviennent jamais. Shir Zayn al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, des grands savants de cette époque, na'am, nous dit, on tire de ce hadith que le nombre d'anges est incalculable. Ne le connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Ça, c'est le mi'raj, la première étape. C'est jusqu'au septième ciel. Puis, تجاوز السماء السابعة وذهب عند سدرة المنتهى أو إلى سدرة المنتهى. Puis il est arrivé à Sidra, c'est un arbre. Probablement le jujubier, si je ne me trompe pas. Al-Munta, ça veut dire la finalité, ce à quoi les choses convergent, ce vers quoi les choses convergent et arrivent. C'est la destination finale. Non. C'est un arbre immense. Ici, il s'est passé un événement extraordinaire. Lequel ? Ra'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Jibril lahu 600 janah wa qad sadda al-ufuq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous la forme sous laquelle il a été créé. Une créature incommensurable. Il avait 600 ailes et il couvrait l'horizon. Naam. Et j'ai vu une version que je n'ai pas réussi à traduire, je vais chercher Inch'Allah Ta'ala, mais d'une beauté inimaginable. Naam. D'une beauté inimaginable. Ça y est. Et j'ai oublié le terme comme émeraude, mais c'est autre, si je me souviens bien, que émeraude, je vais chercher Inch'Allah. Soit rubis, soit émeraude. Il y a dans la. Sa construction, sa description. ثم فرض الله سبحانه وتعالى عليه 50 صلاة. Puis Allah سبحانه وتعالى lui a ordonné 50 salat. Pourquoi est-ce qu'on dit pas salawat Suleiman? Parce qu'on est entre combien et combien? Parce qu'on est entre 11 et 99. Jazakallahu khayr. Vous savez la réponse? Pourquoi c'est salatan et c'est pas salatin? Il a répondu pourquoi c'est pas salawat? Pourquoi c'est salatan et pas salatin? Quand est-ce que c'est un jam' et qu'il est majhour? الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. Vous entendez le désordre? On remercie Allah Azza wa Jalla qui ne nous a pas joints à ces gens-là qui font ce qu'ils font. Allah musta'an. Comment? Non. Ouais, on révisera inshallah les cours. Naam. De 3 à 10. De 3 à 10, ce qui vient après le chiffre, on le met au jam' et ça reste majuro. De 11 à 99, on le met au frat et les mansoub. Wa inni ra'aytu 11 kawkaban. Naam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Être obligé de stopper l'enregistrement. Non, on continue. Un point que j'ai omis de citer, lorsqu'il a dépassé Adam, non, Adam tantôt il regardait à sa droite et tantôt il regardait à sa gauche. Lorsqu'il regardait à sa droite, il riait ou il souriait. Et lorsqu'il regardait à sa gauche, il riait ou il pleurait. Non, et lorsque le prophète l'a questionné sur cela, en fait c'est sa descendance. À sa droite, c'est ceux qui ont réussi, les gens du paradis. À sa gauche, ceux qui ont en enfer, ceux qui ont échoué. Wallahu al-musta'an. Sallallahu yaj'alana min ahli al-yamin. expliqué le Bayt al-Ma'mour, l'imam al-Shawkani nous dit dans Fath al-Qadir, في السماء السابعة وقيل في السماء الدنيا وقيل هو الكعبة. البيت المعمور la maison peuplée c'est au 7e siècle. Il fut dit que c'est au premier et il fut dit que c'est le Kaaba. Donc على القولين الأولين, si on dit que c'est les premiers, les deux premières paroles, les deux premiers avis, alors l'explication de l'imara, يعني le fait que soit rempli, soit peuplé, بِعْتِبَارْ مَنْ يَدْخُلُوا إِلَيْهِ مِنَ الْمَلَائِكَ, c'est dans le sens où il y a beaucoup d'anges qui y entrent, يعني dans les cieux. Et si on dit que c'est le troisième avis, البيت المعمور c'est le Kaaba, نعم, alors on dira que c'est peuplé réellement, parce qu'il y a du monde, يعني حَقِيقَةً, du fait qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Allah Azza wa Jal à cet endroit où il y a le Kaaba. Et certains parmi les savants ont dit que Al-Bayt al-Ma'mour est exactement au-dessus de la Kaaba, mais au 7e siècle. Voilà. Un des grands savants de Riyad a dit que Al-Bayt al-Ma'mour se situe exactement au-dessus de la Kaaba au 7e siècle. De sorte à ce que si elle tombait, elle tomberait sur le Kaaba. Naam, elle tomberait sur le Kaaba. Ensuite, on a dit Sidratul Muntaha. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous explique ce. Il nous dit Yasharatun azimatun jiddan. C'est un arbre immense. Fawqa as-sama'i as-sabi'a, au-dessus du 7e ciel. Soumiyat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha a été appelé ainsi. L'arbre de la finition. Et ce à quoi s'arrêtent les choses, ou Madri, comment traduire exactement. L'annahu yantahi ilayha ma ya'ruju min al-ard. Car tout ce qui monte de la terre s'arrête à cet endroit. C'est pour cela qu'on l'a appelé Sidratul El-Munta. Munta, c'est la limite. Car tout ce qui monte, là, monte jusqu'à, ne dépasse pas ce niveau-là. وَيَنْزِلُ إِلَيْهَا مَنْزِلُ مِنَ اللَّهِ. Et tout ce qui descend de la part d'Allah Azza wa Jal descend à partir de cet endroit. مِنَ الْوَحِي وَغَيْرِ. Que ce soit la révélation ou autre chose. Ou, un autre avis, إِلَيْهَا يَنْتَيْ عِلْمُ الْخَلْقِ. À notre avis, de dire que la science des créatures s'arrête à ce niveau-là. La science des créatures s'arrête à ce niveau-là. Et d'autres paroles ont été citées. Donc à cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam. Thumma urija akthar. Puis il a été élevé encore plus. Na'ab. Wa kallamahu rabbuh. Naam, et son Seigneur lui a parlé de vive voix. Comme il a parlé à Moussa alayhi salam. Naam, sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Fahuwa khalilur rahman, wa habibuhu wa kalimuhu. Naam, donc c'est le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal et c'est celui à qui il a parlé de vive voix. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal l'a approché, l'a élevé. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. Et il lui a révélé, à son serviteur ce qu'il lui a révélé, et il lui a ordonné 50 prières. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est allé, arrivé au 5e, ou arrivé au Sama Sadisa, au 6e ciel, il passa par qui? Par Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam lui a dit, مَاذَا أَمَرَكَ رَبُّكَ. Que t'as donc ordonné ton Seigneur? Et vous allez comprendre que Moussa a l'amour, subhanallah, pour cette umma. Et kana nasihan, il était un bon conseiller pour nous. Écoutez ce dialogue. Il dit, que t'as donc ordonné ton Seigneur? Il lui dit, khamsina salatan, 50 prières. Qala inna ummataka la tutiqu dhalik. Ta communauté ne pourra supporter cela. Irji' ila rabbik, fas'alhu at-takhfif li ummatik. Remonte. Reviens vers ton Seigneur et demande à ce qu'il t'allège. Ta communauté ne pourra pas supporter cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est monté, vers qui? Après Sidratul Muntaha. Il est monté vers qui? Hein? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui lui a parlé? Qui est-ce qui lui a ordonné les 50 prières? Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une preuve irréfutable quant au fait qu'Allah azza wa jalla est fils sama'a. Quant au fait qu'Allah Azza wa Jal, fils Sama, est élevé au-dessus de toute la création, au-dessus de toutes les créatures. Taïb. Lorsqu'il est descendu jusqu'à Moussa et ensuite il est remonté. Il est remonté vers qui? Pour demander à Allah de lui alléger cela. Qui est-ce qui peut ordonner et alléger au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants de l'usul disent que lorsque tu trouves dans le hadith que les compagnons disent « Umirna, il nous a été ordonné », en général c'est qui ordonne? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Umirtu », il m'a été commandé, il s'agit de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'ordonne au prophète alayhi salatu wa sallam si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala dans sa religion. Faltafata ila Jibril. À ce moment-là, lorsque Moussa alayhi salam a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Moussa alayhi salam a parlé de par son expérience, sa connaissance. Naam, et l'endurance qu'il a eu avec Banu Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il fait? Il tafata ila Jibril. Il a tourné sa tête vers Jibril. Yastashiru. Pour lui demander conseil. Pour avoir son avis. Fa'ashara an naam in shit. Il lui a donné comme conseil, oui, yani accepte sa mashura si tu le souhaites. Naam, si tu le souhaites. Si tu veux. فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار. Ça c'est Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى qui raconte l'histoire en prenant différents hadiths. Alors il l'a élevé vers al-Jabbar, le dominateur suprême subhanahu wa ta'ala. وهو في مكانه. نعم هذا لفظ البخاري. نعم. Donc il est remonté vers Allah تبارك وتعالى. Dans la version de l'imam muslim, on ajoute à cela que Moussa alayhi salam lui a dit, en plus de ce que nous avons déjà cité, فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخْبَرْتُهُمْ. Naam, il nous cite les épreuves qu'il a avec Banu Israël. Naam. Donc il est remonté vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui a demandé de lui alléger ses 50 salats. Ya Rabbi khaffif ala ummati, ô mon Seigneur, allège ma communauté. Fahadha anni khamsan. Il m'a enlevé 5 salat. Faraja'tu ila Moussa. Je suis revenu à Moussa. Et je lui ai dit habba. Fahadha anni khamsan plutôt. Habba anni khamsan. Kala inna ummataka la tutiquna dhalik. فارجع الى ربك فاساله التخفيف. Donc ça, on lui a enlevé 5, donc il a 45. Moussa alayhi salam lui a donné le même conseil. Il est remonté et a demandé à Allah azza wa jalla de lui alléger. Il n'a cessé de remonter et de descendre jusqu'à atteindre le nombre de 5 prières par jour. فلم ازل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة وكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فله فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. Arrivé au nombre de 5, Allah Azza wa Jalla lui a dit, elles sont au nombre de 5. Et voici mon décret. 5 en nombre et 50 en récompense. Jusqu'à la fin du hadith. Dans l'autre version du hadith, arrivé à Moussa alayhi salam au nombre de 5, Moussa lui a encore conseillé de remonter vers Allah et de lui demander de lui alléger. Mais Moussa alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, istahyayt. Min muraja'ati rabbi ou kathrati muraja'ati rabbi. À 5, le prophète sallam a dit, j'ai eu honte à nouveau de demander à Allah azza wa jal après qu'il m'ait commandé cela. Qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu minhu. Je n'ai cessé de revenir vers Allah jusqu'à ce que j'ai eu honte de lui. Naam. Puis il est redescendu à Sidrat al-Muntaha et Jibril l'a pris. Et il a vu des choses merveilleuses. Parmi ce qu'on lui a montré, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a vu des couleurs qu'il ne connaissait pas. Et il a demandé que, qu'est-ce donc que cela ? On lui a dit le Jannah. On lui a dit le paradis. Et il a vu des choses du paradis. Il a vu des perles précieuses et il a vu que son sol était le musc. Que le sol était le musc pur. Et sa poussière était le musc pur. Non. On avait déjà cité la sagesse. Naam, pourquoi avoir fait l'Isra avant le Mi'raj? Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, l'auteur de la Manzuma, nous dit فالجواب والله أعلم, la réponse à cela, et Allah est plus savant, أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم أخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. Donc la sagesse, c'est que ça allait être une preuve de la véracité du Mi'raj. Le Isra, Kuffar Quraysh ne connaissent pas cela. Mais ils connaissent, non, le Mi'raj, ils ne connaissent pas cela. Par contre, ils connaissent le chemin pour aller à Baytul Maqdis. Alors on a fait l'Isra au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que qu'il puisse leur dire ce qu'il a vu et qu'eux-mêmes attestent de sa véracité. À un point même que dans une version nous est cité que lors du retour, si mes souvenirs sont bons, il a même vu une caravane de Quraysh. Naam. Et il leur a dit cela à tel endroit. Naam. Donc ils ont été obligés de reconnaître sa véracité dans cela. Donc ça allait être une preuve de leur démenti du Mi'raj. De leur démenti du Mi'raj. Et si certes ils ne peuvent pas avoir connaissance de ce qu'il y a eu dans les cieux pour dire vrai ou faux, vu qu'ils n'ont pas foi en lui, mais ils peuvent témoigner de sa véracité concernant le voyage nocturne. Naam. Et le jama' que je vous ai cité, c'est-à-dire d'où a eu lieu, est-ce que c'était de la maison de Ummu Hani, est-ce que c'était du Al-Hijr, au Masjid Haram, ou dans le Masjid Haram, c'est Ibn Asimin, rahimahullah ta'ala, qui cite cela dans le charh d'un livre ou d'un texte qui s'appelle As-Safariniya. Naam. As-Safariniya. Et dans ce point de Aqidah, il nous dit Al-Jam'u baynaha ayyuqal. كان نائما عند أم هاني فأتاه آت فأيقظه ثم إلى المسجد الحرام واضطجع عند الحجر فعرج به من هناك من المسجد الحرام. Ensuite il nous parle de la mas'ala du 27 de Rajab. On nous parle de la mas'ala du 27 de Rajab et qu'il n'y a pas de texte sur cela. Il n'y a pas de texte sur cela. Quant au fait de spécifier la nuit du 27 de Raja pour faire des adorations particulières, le grand savant de Médine, Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullahu Ta'ala, nous dit وَقَدْ شَاعَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أَنَّ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ هِيَ لَيْلَةُ السَّبْعِ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَلِهَذَا اخْتَصُّونَهَا بِالِاحْتِفَاءِ بِهَا وَتَمْيِيزِهَا عَلَى غَيْرِهَا بِالْعِبَادَةِ وَبِمَا يُمَيِّزُونَهَا بِهِ. ومن المعلوم أنه لم يثبت أن ليلة المعراج هي ليلة السبع وعشرين من رجب ولو كان ذلك ثابتا في الصحيحين في غيرهما ليس لأحد أن يختصها أو أن يخصها بعبادة أو يميزها على غيرها بشيء. شيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى le grand savant de la mosquée du prophète sallam muhaddith nous dit qu'il n'y a pas de preuve premièrement que c'est le 27 de Rajab pour faire des adorations particulières durant cette nuit. Mais quand bien même, si nous avions des textes dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim affirmant que cela a eu lieu durant la nuit du 27, cela n'aurait pas rendu légitime le fait d'innover dans la religion d'Allah Azza wa Jalla des adorations particulières. Car cela n'est pas affirmé dans le Coran ni dans la Sunna, tu dois suivre les textes. Il nous cite cela dans le Sharh d'Ibn Abi, de Abi Daoud, rahimahullah ta'ala. Na'am. Voici l'Isra, voici le Mi'raj. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu avant le Subh. Donc, tout cela a eu lieu durant une partie seulement de la nuit. Durant une partie seulement de la nuit. Na'am. Une grande mas'ala durant ce voyage, qui a un rapport avec l'aqidah. Plusieurs mas'ail dans l'Isra et le Mi'raj sont relatives à l'aqidah, la croyance. هل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ نعم. هذا سؤال. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a vu son Seigneur avec ses propres yeux durant Al-Mi'raj ou non? Ma vous me souhaite, est-ce que vous avez compris la question? Non? Et comme on a une époque où le mensonge est très répandu et les rumeurs sont très répandues, non? Là j'ai posé la question. Ensuite en arabe j'ai dit na'am. Na'am ça veut dire oui. Non pas que je dis oui, il a vu son Seigneur. Mais en arabe lorsque tu parles, tu t'exprimes, tu dis na'am telle une virgule par moment. Ou bien pour dire c'est compris et autre. À la kulli hal. Hadi mas'ala. Voici la question. اختلف العلماء في هذه المسألة. Les savants ont divergé dans cette question. والجماهير أهل العلم على أنه لم يرى ربه بعينيه. نعم. La réponse est qu'il y a une légère divergence dans cette masala. Quant à la grande majeure partie des savants, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur durant Al-Mi'raj. Plus encore, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala rapporte que l'imam al-Darimi rahimahullah ta'ala cité Ijma'u al-Sahabati, le consensus, na'am, le consensus des sahaba quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur, c'est-à-dire avec ses yeux, parce qu'en arabe il y a la vision avec les yeux, na'am, visage, et il y a la vision bil fu'ad, le fait de voir avec son cœur. Là on parle de la vision avec les yeux. Dans son livre Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, l'imam al-Darimi nous dit, ajma' al-sahabatu fi anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam lam yara rabba. Il y a le consensus des savants ou des sahaba quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur. Cela nous appelle à la parole d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, dans laquelle il nous dit, na'am, que il a vu son Seigneur. Comment expliquent les savants donc cette parole? Et ils disent, ay bi qalbi, bi fu'adi, précisément ils disent bi fu'adi. Ils disent qu'Ibn Abbas, lorsqu'il dit ra'a rabbahu, c'est-à-dire bi fu'adi, pas avec son cœur, pas la vision du regard. Pourquoi? Parce que nous savons que inna i'lamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Parce qu'il y a un hadith authentique dans lequel le prophète sallam dit, sachez que personne ne verra son Seigneur ou votre Seigneur, personne d'entre vous ne verra son Seigneur tant qu'il ne mourra pas. C'est-à-dire, fil qiyam, oui, fil jannah, oui, amma fil dunya, personne ne le verra, yaqavatan bi'aynay, personne ne le voit, en étant réveillé avec son rôle, avec ses yeux. Na'am. Je suis minutieux sur les termes, c'est une grande mas'ala kabira et très important dans l'aqidah, dans la croyance. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, laysa fil adillati ma yaqtadi annahu ra'ahu bi'aynayhi. Ibn Taymiyyah dit, il n'y a aucune preuve qui nous montre que le prophète sallam a vu son Seigneur avec ses yeux. وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابِ. Et il nous dit, cela n'a pas été affirmé par un seul même parmi les sahabes, ni même par un seul des sahabes. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُ هَلْ رَآهُ بِفُؤَادِهِ أَمْ لَا. Mais la divergence en réalité, c'est est-ce qu'il a vu son Seigneur de par son cœur ou pas? De par son cœur ou pas? Qu'en est-il de du verset لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ مُنْتَهَى. Qu'en est-il du verset où Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans Surat al-Najm, selon la traduction des sens de ce verset, il l'a certes vu une autre fois, arriver au sidra, à l'arbre. Na'am, al-Muntaha. Comment est-ce qu'on explique ce verset? Est-ce que quelqu'un nous dit, mais Allah dit ça dans le Coran? هذا من هذا جبريل عليه السلام. Ici il s'agit de جبريل عليه السلام et non pas d'Allah تبارك وتعالى. Non, parce qu'il avait déjà vu Jibril une première fois. Il avait déjà vu Jibril une première fois. Et dans l'Isra ou bien dans le Mi'raj, عند سدرة المنتهى comme nous l'avons lu, il a vu Jibril عليه السلام. Donc la plupart des savants du prophète عليه السلام n'a pas vu Allah تبارك وتعالى. Et une minorité a dit qu'il l'a vu, mais avec son qalb, pas avec son fouad, pour coller au terme des ulama. Elle fait c'est le qalb, mais on doit aimer copier les paroles des ulama. Si c'est dans le Coran et le Sunna, on cite la même chose. Si c'est dans la parole des ulama des anciens, on cite la même chose. Si c'est dans la parole des contemporains parmi les ulama, on cite la même chose. En essayant de rester derrière les ulama et de marcher dans leur pas. Wal baraka ma'a kabirikum. Et Ibn al-Qayyim a également dit à ne pas comprendre que c'est la divergence. Est-ce qu'il a vu Allah Azza wa Jalla avec ses yeux ou pas? Non, mais bil fu'at. Donc Ibn al-Qayyim a rejoint Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans cette parole. Et l'avis, yani juste, est qu'il n'a pas vu son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les preuves de cela? Abu Dharr radiallahu anhu a questionné très clairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasul Allah, hal ra'ayta rabbak? Ô messager d'Allah, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Écoutez la réponse. Nourun anna ara. Une lumière, comment aurais-je pu le voir? Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? De manière très très très claire. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur. Non. Et il m'est parvenu une parole batila, une parole fausse d'un frère. Afallah anna wa anhu, qu'Allah nous pardonne. Il a lu ce hadith, il nous permet de le dire, en espérant qu'il s'est repenti de cela. Mais comme ça a été enregistré, le fait de réfuter le faux, c'est obligatoire. Naam. Si une parole que j'ai dite dans le dars a été enregistrée, ou ça a été sur le minbar, ou dans un dars, ou au masjid, elle a été enregistrée. Ou bien, Yannick, on va dire ça entre nous. J'ai l'obligation de venir me corriger ici. Si elle a été dite sur le minbar, j'ai l'obligation de remonter sur le minbar et de corriger sur le minbar. Un audio, faire un audio. Propager, faut que je repropage le haq et mon erreur et la correction. Voilà. Et si toi tu as connaissance de cela, et que tu te trouves dans un endroit demain, et moi je ne suis pas là, et j'ai fait une faute, et cette faute elle est sortie, d'accord? Tu ne devras pas dire, c'est par exemple notre professeur, c'est Foulan, c'est mon bien-aimé, il y a pas, c'est pas ça qui prie. C'est une faute, elle est sortie, ta route de l'batil, tu corriges le faux. En maintenant le respect pour la personne min ahli sunna, mais quant à la faute, qui que ce soit, on réfute la faute et on affirme, yani on explique ce qu'est le haq. Voilà, donc tu diras, akhta'a Ibrahim, wa hadha al-kalam khata'a ou batil. Tu diras, Ibrahim s'est trompé, cette parole, elle est batila. Pourquoi elle est batila? Parce qu'elle contredit tel texte, comme l'a expliqué Cheikh Foulan, mathala. Ou le prêcheur Foulan, mathala. Ou quelqu'un d'eux, et tu ne trouveras rien dans ton qalb à ce moment-là. Si tu es sincère et ton but c'est nashr al-haq. Amma de faire attention, naam, ou sont au ressenti de un tel et on laisse le batil se propager, ça c'est pas manhaj al-sunnah. Manhaj al-sunnah, c'est toujours préserver haq al-din avant le reste. À la kulli hal, le frère a dit dans son dars, naam, de par son imperfection dans la langue arabe, et nous avons tous des imperfections dans la langue arabe, il a lu nuru ana ara, une lumière ana que moi j'ai vue. Allah musta'an. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qu'on nous dit dans le hadith? C'est la négation ou c'est l'affirmation? C'est la négation de l'importance, subhanallah les frères, qu'on étudie la langue arabe. On est faible en arabe, on doit faire des efforts dans la langue arabe. Pour comprendre les textes, pour comprendre le din, regarde la cause de cette faute. Le frère a dit, nurun ana ara. Et on cherche refuge auprès d'Allah azzawajal contre le fait de se moquer de nos frères qui font des fautes. Ça, c'est un frère min ahli sunnah. Mais le haq, a haq ayyuttaba. Mais comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, quand il a réfuté al-Harawi, un de ses chouyours d'avant, il a dit, al-Harawi habibun. Je l'aime. Lakin al-haqu ahabbu ilayya. Mais la vérité est plus aimée auprès de moi. Naam, la vérité est plus aimée auprès de moi. Et al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, dans sa réponse à l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, sur deux montagnes de science, dans mon Naqashatul Ara, dans une question religieuse, a dit, je dis la même parole. Et il a ajouté, il a dit à l'imam al-Albani, Habibun, lakin laysa bima'soum, wal-haq ahabbu ilayna. Ça, c'est la kalima sahib sunnah. Il a dit, l'imam al-Albani, c'est mon bien-aimé. C'était son ami, son collègue. Et l'imam al-Albani, Habib, c'est mon bien-aimé, mais il n'est pas infaillible. Et la vérité n'est préférable. Puis il a débattu un avis de l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, et il a ramené les preuves. Et subhanallah, lorsque tu écoutes cet audio, tu te demandes, est-ce que c'est des éloges, ou bien est-ce que c'est une réfutation? Tellement qu'ils avaient de nobles caractères, et qu'ils parlaient avec science, il n'y avait pas d'insulte, il n'y avait pas chercher à faire détester l'autre aux gens. Là, mais c'était ihqaq al-haqq. Naam, ça c'est une tarbiya qu'on doit prendre de nos ulama. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que ce qu'on tire des textes, et ce qu'on a su des textes, et ce sur quoi il y a le consensus des pieux prédécesseurs de cette communauté, Alla yara ahadun rabbahu fi dunya iyana bi'aynay. Ce que on tire des textes, le Taïma dit, ce que l'on tire des textes, et ce sur quoi il y a le consensus des plus prédécesseurs, c'est que personne ne verra Allah Azza wa Jalla et son vivant avec ses yeux. Comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que nous avons lu il y a peu. Puis il dit, illa ma naza'a ba'duhum min ru'yati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khas. Sauf la petite divergence qu'il y a eu, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur ou non? Puis il a dit, El Maqsoud, a dit, le but de cette divergence n'est pas qu'il l'a vu avec ses yeux, mais plutôt, Bi Fu'adi. Bi Fu'adi. Un autre texte, très très fort dans la Mas'ala, c'est lorsque Masruq, un des plus prédécesseurs, Rahimahullah Ta'ala, dakhala ala Aisha. Il s'est rendu auprès de Aisha. Et il lui a dit, donc il a voulu débattre sur la mas'ala. Sur la mas'ala, où il lui a cité la mas'ala du fait, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur ou non? Puis il lui a dit, quand Aïcha a dit non, il lui a dit, Alam yakulillah wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Alam yakulillah wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Masruq lui a cité ces deux versets où Allah azza wa jalla nous enseigne dans le Coran qu'il l'a vu à tel endroit et qu'il l'a revu. قالت عائشة لقد قفى شعري. Mes cheveux se sont hérissés. Et ma peau s'est, comment est-ce qu'on dit en français? يعني, comme quand t'as la chair de poule, il y a un terme. Hérissé. Ma peau a frissonné devant ce que j'ai entendu lorsque certaines personnes ont prétendu, ou bien d'entendre, est-ce que Mohammed a vu son Seigneur ou que Mohammed a vu son Seigneur. Ça parle de qui ça? Aïcha. A'lamu. A'lamu nisa il umma. La femme la plus savante de la communauté. Et elle est minal muksiri. Fait partie des plus grands rapporteurs de hadith. Elle a dit, c'est une chose très très grave que j'entends ici. C'est une chose très très grave que j'entends ici. Une chose qui me revient, le frère n'a pas dit que le prince Salem a vu son Seigneur, si je me souviens bien. Il a dit, il n'a ni dit qu'il a vu son Seigneur, il n'a ni dit qu'il n'a pas vu son Seigneur. De lui-même. Il s'est trompé de lui-même, de par sa compréhension du texte, de par sa lecture erronée. Afallahu anhu wa anna. Puis, elle a dit innama huwa Jibril. Elle a fait le tafsir du verset, elle lui a expliqué que c'est en réalité Jibril. Naam. Ibn Hajar, fi Fath al-Bari rahimahullah ta'ala, nous parle de la riwaya d'Ibn Abbas. Il nous dit hammalaha al-ulama ala ru'yat al-qalbiyya bil fu'at. Ibn Hajar nous dit que les savants ont expliqué la parole d'Ibn Abbas en disant que c'est la vision qalbiyya, du cœur. La vision du cœur. Parmi ce qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce voyage, il nous reste peu à citer, c'était long parce que je ne voulais pas diviser et reporter. Il a vu certaines sortes de châtiments. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ra'a, il a vu durant ce voyage des gens, lahum adhafir min nuhas, qui avaient des ongles de cuivre. Et qui se griffaient le corps, qui se griffaient leur propre personne. Faqala man ha'ula ya Jibril. Il a dit, qui sont-ils, ô Jibril? Et à la fin, le prophète sallam lui a expliqué, parce que durant le voyage, il a vu des choses, durant les mi'raj, il a vu des choses. Et au retour, le prophète sallam lui a expliqué, par la suite. À chaque fois, il lui disait, attends, attends. Mais par la suite, tu lui as tout raconté. Jibril, alayhi salam, lui a tout raconté par la suite. Il lui a dit, Ha'oula, il y en a ceux qui se griffaient avec des ongles de cuivre. Écoutez bien les frères. Alladhina ya'kuluna luhum an-nas wa yaq'una fi a'radihim. Qui sont ceux qui avaient des ongles de cuivre se griffaient eux-mêmes? Ceux qui mangent la chair des gens. C'est-à-dire la médisance. Ils parlent sur les yeux. Et ils tombent dans leur honneur. Ils parlent en mal d'eux. Et ils les déshonorent en parlant en mal sur eux. Subhanallah. Subhanallah. Combien est-ce qu'on tombe dans ce péché-là? Savez-vous ce qu'est la médisance? Dikruka akhak. Hein? C'est le fait que tu cites de ton frère, mala usami'ahu la kariha. Dikruka akhak bima yakrah. C'est le fait de dire de ton frère ce qu'il n'aime pas entendre. S'il avait entendu cela, il l'aurait réprouvé. Ça, c'est de la médisance. Alors, un compagnon dit, ah, cela, si c'est vrai ce que je dis. Il a dit, si c'est vrai, c'est cela même la médisance. Et si c'est faux, c'est el bohtan. C'est la calomnie, c'est encore pire. Alors, retiens ta langue. Ayyuha al-muslim, wa anti ayyatuha al-muslim. Retiens ta langue. Retiens ta langue si tu ne veux pas être ajouté à ces gens-là. C'est un adab pour ceux qui mentent. On parle sur les musulmans. Ce qui parle sur les musulmans mal, même si c'est vrai, que dire alors de ceux qui mentent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui, man qala fi akhi ma laysa fi adkhala Allah ghadrat al-khabal, hatta yakhruj amma qala fi. Celui qui ment sur un musulman, on le fera habiter les déchets des habitants de l'enfer, leur liquide, hein? Jusqu'à ce qu'il sorte de ce qu'il a dit sur. Jusqu'à ce qu'il sorte de ce qu'il a dit sur. Subhanallah. Ne répète pas tout ce que tu entends. Vérifie ce que tu entends. Fais attention à ce que tu dis. Dites de bonnes paroles. Voilà taqfu ma laysa laka bi ilm. Ne suis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien, qu'il se taise. Et aujourd'hui, avec Internet et avec les réseaux sociaux, les gens reçoivent une chose et ils la propagent, ils la propagent, ils la propagent. Un an après, il envoie un message, je me suis trompé, je n'ai pas vérifié. Puis il refait la même chose, puis il refait la même chose. Subhanallah. Même qu'Allah fakabihada. Qui t'a donné cette responsabilité? Donc on retient nos langues et on fait attention, particulièrement à la chair des ulama et des gens pieux et des prêcheurs et des gens de bien. Naam. Parce que ainsi tu peux être une cause d'obstruer le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui tombe dans cela, astaghfirullah, et il va s'excuser à la personne et il sort de ce péché là qui est un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également qu'il a vu nas tuqradu shifahu bimaqalid minnar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a vu des gens dont on découpait la bouche, cet endroit là avec des scies de feu. Allahu Akbar. Ont découpé leur bouche avec des scies de feu. Qu'Allah nous pardonne. Ces gens-là, il nous dit, Khutaba ummati. L'Ibri lui dit, ce sont les prêcheurs ou ceux qui parlent dans ta communauté. Khutaba, il y a Al-Qurra et Al-Khutaba. Al-Qurra, à l'époque, ce sont les savants. Ceux qui ont le Coran avec l'ilm amal. Khutaba, c'est ceux qui parlent, ils n'appliquent pas. Qu'Allah nous pardonne. Il a vu encore d'autres choses. Des gens avec un ventre immense. Naam, ou des gens qui nageaient dans un bain de sang et on leur mettait des choses dans la bouche. Et lorsqu'ils redescendaient, ils pensaient arriver au bout. On leur remettait la même chose dans la bouche. Ils retombaient et ils essayaient d'aller de l'autre côté. Ces gens-là, qui étaient-ils? Les gens akalatur riba. Ceux qui mangent de l'usure. Ceux qui font des crédits avec intérêt. Hein? Ceux qui font des crédits avec intérêt. Il faut s'en repentir. Il faut faire beaucoup de sadaqat pour purifier ses biens. Le prophète sallam a vu encore d'autres choses. Et une grande faïda, c'est qu'il nous dit, ma marartu bimala, je ne suis pas passé près d'un groupe, c'est-à-dire un groupe d'anges. Illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijana. Subhanallah. Naam. Les anges, il n'y a pas un groupe d'anges auprès de qui le prophète sallam est passé sans qu'il ne lui ait dit, ô Mohammed, ordonne à ta communauté de pratiquer le hijab. Le hijab, c'est la saignée. Naam, c'est un excellent remède contre les douleurs, contre le rhumatisme, contre plusieurs maladies. Ça enlève le mauvais sang. Et il nous dit, ra'aytul jannah. Il nous dit, j'ai vu aussi le paradis. Naam. Et il nous dit que sa terre est vierge. Naam. Et que son sol est le misk. Et il nous dit, subhanallah, une qissa ajiba jidda. Il nous dit, shamamtu ra'ihatan tayyiba. Il nous dit, j'ai senti une odeur. Une excellente odeur. Et il a questionné sur cela. Qala ya Jibril, ma hadhi ar-ra'iha? Alors Jibril lui a dit, hadhi ma shitatu binti Fir'aoun. Il a dit, c'est l'odeur de celle qui coiffait la fille de Fir'aoun, de Pharaon. Naam, celle qui coiffait la fille de Pharaon, wa awladiha, et de ses enfants. Qala wa masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelle est son histoire? Et que, ma sirru hadhi al-mas'ala. Alors Jibril lui a raconté, baynama tamshitu bnata fir'aun saqata al-midra, al-mushtra. Un jour, alors qu'elle peignait, elle coiffait la fille de Fir'aun, c'est alors que son peigne tomba de sa main. Elle dit alors, bismillah, au nom d'Allah. Faqalat. Alors la fille de Pharaon a dit, Abi, tu parles de mon père? Naam, Pharaon était une divinité adorée dans son peuple. Et il contraignait les gens à l'adorer que lui. Et il a dit, Rabbukum al-A'la. Alors, la fille a dit, tu parles de mon père? Alors, ma shitatu binti Pharaon a dit, La, Rabbi wa Rabbu Abik. Allah, Allahu Akbar. Elle lui a dit non. Je parle ici de mon Seigneur et du Seigneur de ton Père, Allah. Alors la fille de Pharaon a dit, je vais informer mon père de cela, ou bien veux-tu que j'informe mon père de cela? Elle lui a dit, si tu veux dire. Et à la iman, ajib. Naam, elle avait une thiqa billah subhanahu wa ta'ala, une confiance en Allah tabaraka wa ta'ala qui était très solide. Qalat naam, elle lui a dit oui, si tu veux informer. Fada'aha. Elle est partie voir son père et elle lui a dit que la coiffeuse adore un seigneur en dehors de toi. Alors Pharaon l'a convoqué et lui a dit, ya fulana, ou une telle, qu'est-ce qu'on me dit? Tu adores un autre seigneur en dehors de moi? Qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Elle lui a dit, certes, mon seigneur et le tien, Allah, fa amara bi baqara min nuhas. Azim, il a ordonné à ce qu'on amène, yani, une grande marmite, na'am, ce qu'on pourrait appeler comme ça, une grande marmite énorme. Et il a ordonné à ce qu'elle soit portée à ébullition. Il a ordonné à ce qu'elle soit portée à ébullition. Puis, il a réuni tous ses enfants. Et elle avec. Na'am. Et devant elle, il a ordonné à ce qu'on prenne ses enfants un par un et qu'on les jette dedans. Na'am. Il a ordonné à ce qu'on prenne ses enfants un par un et qu'on les jette dans cette marmite portée à ébullition. Alors, Mashitatu binti Firaoun a dit, Liya Hadja. Elle lui a dit, j'ai une faveur à demander, j'ai une demande. Il lui a dit, Ouli. Il lui a dit, dis. Elle lui a dit, Tajma idami wa idama auladi fatatfinuna ma'an. Elle lui a dit, ma demande, ma requête, c'est qu'après tout ça, tu réunis mes os et les os de mes enfants et tu nous enterres tous dans le même endroit. Et tu nous enterres tous dans le même endroit. Il lui a dit, la kidalik. Il lui a dit, Yali, je vais donner suite à ta requête. J'accepte. De par le droit que tu as sur nous. Ils ont commencé à prendre ses enfants et les jeter dedans. Un par un. Le premier. Le deuxième. Et ainsi de suite. Un par un. Puis, il ne restait qu'elle avec son nouveau-né dans la main. Il ne restait qu'elle avec son enfant dans la main. فَكَأَنَّا تَقَعَسَتْ مِنْ أَدْلِ رَضِيعِهَا. C'est comme si elle a hésité ou elle a fait marche arrière par pitié pour l'enfant. Par pitié pour l'enfant. فَأَنْتَقَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah tabaraka wa ta'ala a fait parler l'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala fit parler l'enfant. Qui lui dit, Ya umma iqtahimi fa inna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah faqtahamat. Allahu akbar. Allah azza wa jalla fait parler l'enfant. Qui dit à sa mère, oh chère mère, entre dans le feu. Entre dans le feu. Car certes, le châtiment de ce bas monde est moins grave que le châtiment de l'au-delà. Il l'a raffermi et elle est entrée dans cette marmite. Elle est décédée ainsi avec son enfant. Voici l'odeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sentie au paradis. Il a également vu Jibril alayhi salam, il l'a décrit, on l'avait déjà cité, mais il était, yani il ne bougeait pas, par min khashyatillah, il nous dit min khashyatillah kal hirs al bali min khashyatillah azza wa jalla. Vous voyez, lorsqu'on laisse des choses dans une maison pendant longtemps, cette description là, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a également vu Dajjal, l'antéchrist, et il était immense et il avait des cheveux tels des branches d'arbre. Et il était très laid, il avait des défauts aux yeux. Il a vu Ibrahim alayhi salam qui lui a dit, Aqri ummataka minni salam, transmet à ta communauté mon salut. Wa akhbirhum bi anna al-jannata tayyiba, aw taybatu at-turba. Informe-les C'est autre, un autre texte. Et ce hadith, la plupart des savants disent qu'il est waif. Mada Ibrahim alayhi salam a dit au prophète sallallahu, ou plutôt le Messie Ad-Dajjal était, non, plutôt Ibrahim alayhi salam a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant cela il lui a dit de transmettre son salam, son salut à la communauté. Puis il lui a dit, sache que le paradis est pur ou bien bon, et que sa terre est bonne, et que son eau est bonne, mais qu'elle est stérile. C'est pas construit, c'est stérile. Ghirasuha, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Dans notre hadith, wala hawla wala quwwata illa billah. Quelles sont les choses par lesquelles tu développes ton paradis, tu construis ton paradis? C'est par là. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. On plante un palmier au paradis, on construit ton paradis. Donc Ibrahim alayhi salam nous a recommandé de faire beaucoup de dhikr. Puis, on arrive à la fin, al-awda, le retour. Minas samawat, donc du 7e ciel, jusqu'à Bayt al-Maqdis. Et de Bayt al-Maqdis jusqu'à Mecca. Jusqu'à Mecca avant al-Subh. Lorsqu'il est arrivé au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été triste. Il s'est attristé, il s'est éloigné des gens. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était une énorme épreuve. Et il savait que beaucoup allaient le démentir et donc périr suite à cela. Abu Jahl l'a rencontré et il lui a dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il lui a dit oui, il lui a raconté l'Isra. Et il lui a dit, de peur qu'il ne répète pas cela devant les gens, il lui a dit, est-ce que je peux ramener les gens pour que tu leur transmettes cela? Il a dit oui. Il a réuni les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'Isra. Alors ils l'ont démenti, certains ont crié, certains se sont tapés la tête, d'autres le visage, et ainsi de suite. Et on nous rapporte même que certains parmi les musulmans qui avaient une faible foi sont sortis du din. Subhanallah. C'est une fitna azima. Sont sortis du din suite à cela. Puis, ils lui ont dit, t'es parti à Bayt al-Maqdis. Et t'es monté jusqu'au 7e ciel, et ceci, et cela, et on t'a ordonné 50 prières, et tout ça en une seule nuit. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce qu'ils savaient qu'eux mettaient 2 mois pour aller à Philistine et revenir. Alors ils ont dit, décris-nous Bayt al-Maqdis, décris-nous la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à décrire Bayt al-Maqdis. Puis, ishtabah al-amr. Yani, ça a été quelque peu confus par moment. Que s'est-il passé? Il nous dit, فَرَفَعَهُ اللَّهُ لَهُ. Allah Azza wa Jal lui a mis Bayt al-Maqdis devant lui. Et il s'est mis à la décrire. Devant lui, il l'a décrite. Naam, parfaitement. Il l'a regardé, il l'a décrite à Quraysh. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu, أَمَّا نَعْتْ فَقَدْ صَدَقْ وَاللَّهُ. Ils ont dit, je jure par Allah. Quant à la description qu'il a faite, donc ceux qui étaient déjà partis, on dit, il a dit la vérité. Malgré cela, pensez-vous qu'ils ont cru? Pensez-vous qu'ils se sont soumis à cette vérité? Non. Parce que la croyance, la guider, c'est pas juste voir, entendre, savoir. Non. يَحْتَجْ إِلَى تَوْفِيقٍ رَبَّانِ. Pour croire, tu as besoin de la guider d'Allah, la guider du cœur. Sans ça, tu peux voir tout ce que tu peux voir, mais tu vas rester dans l'égarement. C'est pareil pour ceux qui n'est pas dans le dîn, et c'est pareil pour ceux qui n'est pas dans le sunnah. Nas'alallah al-afi, nas'alallah yuthabbitana. Quant à Abu Bakr al-Siddiq, quel fut son mawqif? Mada? Comment est-ce qu'on dit en français? Sa réponse, na'am, ma fatigue me fait perdre mes mots en plus de ma faiblesse. Mada, la position de Abu Bakr fut celle-ci. Ya Abu Bakr, ama sami'ta madha yaqulu yatahaddathu bihi sahibuk? O Abu Bakr, n'as-tu pas su, n'as-tu pas entendu ce que dit ton compagnon? Wa madha qala? Et qu'a-t-il donc dit? Qala bi annahu usriya bi min Mecca ila Bayt al-Maqdis thumma urija bihi ila samawati al-'ulya. Qala aw qad qala? Abu Bakr a dit, est-ce qu'il a dit cela? Ils lui ont dit, naam. قال صدق إذ قال قال Abu Bakr a dit, il a dit la vérité alors. S'il a dit cela, ça n'est autre que la vérité et j'y crois. Puis il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une version. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a questionné. Qu'as-tu donc vu au message d'Allah? J'ai vu ça. Et Abu Bakr disait, sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le message d'Allah a dit la vérité. Le message d'Allah a dit la vérité. Le message d'Allah a vu la vérité. Et il disait, ashhadu bi annaka Rasulullah. Je témoigne et j'atteste que tu es le message d'Allah. Sadaqta ya Rasulullah. Ashhadu bi annaka Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, wa anta ya Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et toi, Abu Bakr, tu es Siddiq. C'est pour ça que certains savants ont dit que l'appellation de Abu Bakr par as-Siddiq a pour cause al-Isra wal-Mi'raj. Le fait qu'il a certifié directement lorsque cela lui est parvenu, contrairement aux autres. Il y a de nombreuses leçons à tirer de Ma'ad al-Isra al-Mi'raj, et c'était notre cours le plus long. Na'am, c'était notre cours le plus long, et il est rempli de dorar, de perles précieuses qu'Allah Azza wa Jalla nous maintienne dans ses assises et nous permette toujours et encore d'augmenter nos connaissances, de mettre en pratique, de transmettre. Na'am, il a de nombreuses leçons, et yani ala ajala, rapidement comme cela, on voit la difficulté qu'ont subi les prophètes et messagers dans la terre. Et on voit que quelle que soit la situation, si les gens te rejettent, si les gens parlent mal sur toi, si les gens te combattent, ben, tu sais que t'as Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, et tu sais que les anges, yani, sont sur cet avis-là, et tu sais que les prophètes sont sur cet avis-là. C'est pour cela que dans Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina na'amta alayhim, dans ça, il y a une consolation pour chaque croyant. Pourquoi? Parce que tu te rappelles que ce chemin, c'est pas ton chemin, t'es pas seul. Même si tu as la plupart des gens dans le mal, mais tu es avec qui? وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَمِنَ مَاذَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Tous ces gens-là, ils sont avec toi. Tous ces gens-là t'ont précédé, donc tu n'es pas tout seul. بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. L'islam a commencé étrange, il redeviendra étrange. Bonne nouvelle donc aux étrangers. Ce sont les gens qui réforment lorsque le mal se répand. C'est la minorité sur le haq alors que la plupart sont dans le batil. C'est difficile, c'est attristant par moments. Na'am, les gens mentent, parlent sur toi, te dénigrent, ne reconnaissent pas ta valeur, te combattent pour ta sunnah. Na'am, patiente, anta ala al-haq, isbir, hatta talqa Allah azza wa jal, patiente, jusqu'à rencontrer Allah azza wa jal et avoir son agrément. Donc elle arrive, l'étranger, il doit patienter. Il doit endurer et savoir que il y a des gens avant lui qui ont emprunté ce chemin et ils sont meilleurs que ceux qui le dénigrent et tentent de lui faire du mal. Qu'Allah Azza wa Jalla n'abandonne jamais son serviteur. Allah Azza wa Jalla n'abandonne jamais son serviteur. Et si les gens donc de ce bas monde te délaissent, dans les cieux il y a meilleur que. شِدَّةُ غُرْبَةِ أَهْلِ الْحَقِّ. Yani le la grande difficulté des gens de la vérité, combien ils sont étranges parmi les gens. Fadl Bayt al-Maqdis, le mérite de Bayt al-Maqdis. Ittifaq din al-anbiya, le fait que tous les prophètes ont la même base, le même din, at-tawhid wa ta'atullah. Fi anna Muhammadan khatam al-anbiya wa ar-rusul. On tire de cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète et le messager, wa afdaluhum, est le meilleur d'entre eux. Fi fadl al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أهميّة الصلاة، l'importance de la prière. عظم قدر الصلاة، كثرة أجور الصلاة. Le grand mérite de la prière et les nombreuses récompenses qu'il y a à faire à la prière. On tire de ce hadith également أن الله عز وجل في السماء. On tire de ce hadith qu'Allah عز وجل est élevé dans l'élévation. Les savants citent encore d'autres فوائد الله أعلم وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.